donc un peu les filles. Allez, parti ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM pour suivre cette émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi et puis n'hésitez pas aussi toujours à en parler autour de vous cette émission. Hein ? Il y a les Beatles de 20h à 22h, 2 minutes, et il y a Johnny à partir de 22h et 3 minutes, parce que le temps que je parle, on ne sait jamais, jusqu'à minuit passé, etc., etc. Parlez-en autour de vous, c'est tous les mercredis, donc de 22h jusqu'à minuit, Johnny de A à Z. Aujourd'hui, je vous présente un album de la semaine qui est sorti le 7 novembre 2007 et s'intitule « Ma vérité ». Et il est également le 42e album de sa carrière, de la carrière de Johnny Hallyday. « Ma vérité » qui occupe une place à part dans la longue carrière de l'idole des jeunes, puisqu'il marque la fin d'une collaboration discographique de 42 ans entre le rocker et sa maison de production Universal Music, après un divorce entériné en avril 2005 devant la justice. La cour d'appel de Paris a clos un conflit entamé devant les prud'hommes après que le chanteur eut dénoncé début 2004 le contrat signé avec la maison de disques en décembre 2002. Johnny estimait avoir été exploité par sa maison de disques au fil des ans, notamment en raison de prêts importants qu'elle lui avait accordés. « Je m'en croûtais un peu, dit-il, et il fallait que tout cela s'arrête. Nous avions atteint, Universal et moi, un point de non-retour. Nous n'arrivions plus à communiquer. C'est pas plus grave que cela. Tout le monde s'en remettra. » C'est étonnant, dit Johnny. Comme tout le monde se passionne pour un truc qui ne devrait concerner que moi, la seule chose qui ne me plaise pas dans cette histoire, c'est cette rumeur qui prétendait que pour me sortir plus vite de mon contrat avec Universal, j'allais faire de quoi bâcler mon album. C'est exactement le contraire qui s'est passé. J'ai pris des risques, alors qu'il aurait pu peut-être fallu au contraire que je joue la carte de la prudence. Être libre permet de se faire plaisir. Ce nouvel album n'a pas été dirigé par un seul maître d'œuvre. Comme pour les travaux d'intérêt public, un appel d'offres a été lancé et les chansons sont arrivées de partout. Et Johnny en a choisi 13, très différentes les unes des autres, puisque signées Zazie, Guy Carlier, Fred Blondin, Michel Mallory et Muriel Robin, ils m'ont fait des textes sur mesure, dit-il. Mais je n'avais donné aucune instruction. C'était difficile de m'écrire une chanson parce que on ne peut plus séparer le personnage de Johnny Hallyday et de l'homme que je suis. Mes textes sont décortiqués et ce que je chante doit correspondre à une réalité de ma vie. Voici tout de suite le premier extrait de l'album de la semaine, Ma Vérité. C'est le titre « S'il n'est pas trop tard ». Bonne soirée à tous, vous êtes à l'écoute de RIG pour l'émission Johnny de A à Z. Trop tard, quand tu rentreras, j'aimerais bien te parler d'autre chose que de moi. Des actualités, des guerres qui s'annoncent, du jardin d'en bas et dévoré de ronces. S'il n'est pas trop tard, s'il n'est pas trop tard, quand tu reviendras, j'aimerais bien te donner autre chose de moi. Pas ce cœur instable, tu n'as pas idée ce qu'on prend de coups, toujours sous la table. S'il n'est pas trop tard. Je retrouvais pour toi.

écho au cœur, écho au corps. Ce qui tu vas nous rend plus forts. J'ai toujours caché mes regrets, mais jamais de signal de détresse. Et souvent quand je titubais, ah, c'était de douleur, pas d'ivresse. On m'a souvent laissé pour mort, et mon cœur cassé encore. Les coups au cœur, les coups au corps. Ce qui tue pas nous rend plus forts. Vous allez sortir avec moi maintenant. On va pas vous entendre. Les coups au cœur, les coups au cœur. Mais mon cœur cassé par pas nous rend plus fort, un titre qui figure aussi sur l'album Ma Vérité, sorti le 7 novembre 2005. Et il n'y avait pas en 2005 de nostalgie dans le Johnny de l'époque, évidemment, hein, pour une seule raison, et c'est qu'il n'y a que des thèmes actuels. Ma fille, c'est l'actuel, disait-il. L'amour que j'ai pour ma femme, c'est actuel aussi. Les emmerdes, c'est actuel. Le rock, c'est actuel. Pour ma part, il y a deux façons de le chanter. Ou on l'actualise avec ce qui vous ressemble, ou on l'actualise avec des paroles débiles. J'ai évité les paroles débiles pour justement faire comme Guy Carlier a très bien su le dire dans sa chanson, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Et pour moi, c'est du rock. On peut faire aujourd'hui du rock avec des paroles intelligentes. Mais bien sûr. Johnny et les années 60. Oh. Ah. Quel métier fatigant. se souvient d'elle tout le temps. Et quand elle est partie, je me suis bien promis que je l'oublierai. Je le croyais, mais la vie est ainsi. Titre bonus de 1964 sur l'album Johnny et les rocks les plus terribles. Johnny revient si vous préférez. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, on parle de l'album Ma Vérité, sorti le 7 novembre 2005. Le prochain titre qu'on va écouter d'ici quelques comptes, ce sera Ma religion dans son regard. Le groupe Kyo, disait Johnny, je ne vais pas vous raconter de conneries, je ne savais pas trop qui c'était, mais j'ai trouvé qu'il m'avait écrit une bonne chanson. J'ai été emballé et pourtant, quand on m'a dit que Kyo avait écrit une chanson pour moi, j'étais perplexe parce que je me disais que je ne pouvais pas chanter une chanson de môme de 25 ans. À 62 ans, il y a des choses qu'on ne peut plus chanter, mais ils écrivent des textes comme s'ils en avaient 40 d'expérience. Je trouve cela formidable. On peut survivre encore s'il ne reste plus que l'amour, d'accord. On peut survivre encore ensemble, ensemble. Et quand on vous écorche, qu'on vous ôte l'épaule qui vous supporte, on peut souffrir encore longtemps, longtemps. C'est quand on n'y croit plus que le ciel vous entend et pardonne. Le temps a ses vertus en somme. Se dire que ce ne sera jamais pareil qu'avant, à force de reconstruire lentement, on avance et apprendre à sourire, essayer d'à nouveau faire confiance pour finalement s'ouvrir et saisir sa chance. C'est quand on n'y croit plus que le ciel vous entend et pardonne. Le temps a ses vertus en somme. We'll Mais quand vous écoutez la version de Kyo, c'est tout à fait autre chose, bien entendu. Johnny et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Allez Thierry, mon ami, chante maintenant, chante. Il est trop tard, ou il est trop tôt, nos cœurs ne sont plus à la même heure. Quand je m'en vais, c'est là que tu reviens, là de nous deux a manqué un train. Tu t'es bien trompé d'histoire d'amour, ton amour s'est trompé de jour. Et cette fois c'est moi qui te laisse, dis-moi quel effet ça fait d'être celui des deux qui reste. Tu n'es pas la seule fille au monde, tu n'es pas la seule fille sur terre. Et tu n'es pas la seule à me plaire. Toi, pour une fois, tu n'as pas gagné. Tu as le plus mauvais rôle à jouer. Pour mon amour, fais l'aller sans retour. Ta vie n'a plus rien à faire ici. Tu as encore dû te tromper d'adresse. Tu as pris tes nuits pour mes jours. Chacun son tour, chacun sa tristesse. Ouais, dis-moi quel effet ça fait d'être celui des deux qui reste. Tu n'es pas la seule fille au monde, tu n'es pas la seule fille sur terre. Tu n'es pas la seule fille au monde, et tu n'es pas la seule à me plaire. Tout de suite dans l'émission Johnny de A à Z, la version originale adaptée pour Johnny Hallyday. Et c'est au tour de Dobie Gray. Dobie Gray, qui est né au Texas en 1942, se fait connaître avec In the Crowd en janvier 65, succès qu'adoreront les Mods. Après un passage à vide, il rencontre Mentor Williams, frère du musicien Paul Williams, et revient au premier plan grâce à Drift Away en février 1960. C'est un parfait exemple de croisement entre soul, country et pop réalisé à Nashville. Un chanteur noir accompagné par des musiciens blancs, n'en est rien une exception.

combien de fautes et d'erreurs, combien j'ai payé le prix, combien d'argent j'ai gagné, combien d'amis j'ai perdu, oui, combien pour ma vie privée, combien de fois j'ai voulu. On me fiche la paix, on me fiche la paix, on me fiche la paix, enfin, paix. On me fiche la paix, on me fiche la paix, que je trouve la paix. Combien de nuits dans les phares, de kilomètres au compteur, combien sont-ils à me voir quand je leur dis que j'ai peur, combien pour un survivant, combien de flèches en plein cœur, combien d'alcool dans le sang pour oublier quelques heures. Zazie évoque donc le harcèlement médiatique dont il est la victime, souvent consentante. Elle et moi, disait-il, sommes sur la même longueur d'onde. Je lui ai parlé de mes problèmes avec ma maison de disques, Universal, de tout ce qu'on disait de moi dans la presse, l'histoire du faux viol, toutes les choses qui me pourrissaient la vie depuis 3 ans. J'ai été humilié, traîné dans la boue, et ce n'était pas une période facile pour moi, ni pour ma famille, ni pour ma femme. J'en ai pris plein la figure, et Zazie m'a appelé 3 jours plus tard en me proposant cette chanson, qu'on me fiche la paix, ça tombait bien. Johnny et les années 80. C'est à l'envers quand ça arrivait. Je peux te dire un truc, quand le jour se tombait en panne, j'avais la tête à l'envers, et je voyais des gens à travers les doigts, ils voyaient, ils faisaient « Ah, Johnny !» Ah, attends, j'étais là, et là, je peux rien faire, putain de merde. Quand la nuit crie au secours, qui pourrait l'écouter? Son cœur bat comme un sourd, mais personne ne le sait. Une fille passe dans le noir, belle et fragile. Elle sait bien que tout espoir est inutile. Je voudrais mentir tous ceux qui ne l'ont pas aimé. Le temps passe et la nuit meurt.

je t'adresse ma prière. Si tu t'en vas la première, ne me laisse pas en arrière. Je ne demande pas que tu sois belle, ça m'est égal que tu sois infidèle. Ce que je réclame, c'est qu'avec toi tu m'emmènes. Si tu pars, faire rentrer pour vous. Johnny et les années 2010. On va mal la musique. Un petit clin d'œil à nos amis Jean-François Chenu et Francis Chaillet qui animent le petit podcast Podcast 51, les 50 albums de Johnny Hallyday, et qui aujourd'hui parle de l'album Jamais Seul. Mais je ressemble à quoi ? Mais je ressemble à quoi ? Avec cette guitare dans le dos. Oh, non, jamais, jamais, jamais, non. Non, jamais, jamais, jamais, je ne pourrai jouer. Non, jouer comme toi. Hey, go! Lis pas la vérité. Hey, go! J'ai beau toucher du bois. J'ai beau toucher du bois. Non, j'aurai jamais tes doigts. Jamais. Jamais tes doigts. Pas de cause sans rappel. Y'a pas de hasard. Ni de héros sans guitare. Non. Non.

comme un roc. Les deux mains valides, tranquilles et solides, j'avais tout construit. Avec toi et moi, et je me tenais tout droit comme un roc. Comme un roc, j'avais confiance en la vie. Comme un roc, il pouvait rien m'arriver. Mais comme un roc, c'était parti pour durer. Mais comme un roc. L'album de la semaine qui est Ma Vérité, et là Johnny va nous dire sa vérité, voilà, suite aux histoires qu'il a pu avoir, ses déboires avec Universal, ses déboires avec sur sa vie privée comme l'histoire du viol et compagnie, et donc il a demandé un peu au compositeur en quelque sorte, hein, de d'écrire une des chansons sur sur sa vie actuelle, et c'est ce qui a été fait sur cet album là et Johnny donc a un titre aussi qui s'appelle tout de suite Ma Vérité, et là on va retrouver aussi le groupe de cuivre, hein, The Vine Street Hans, tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. On me dit que la vie n'est rien qu'un aller sans retour. On me dit que c'est

payer en sueur le prix qu'il faut payer. Tu voulais qu'il ait tout sans jamais rien compter, pour qu'il ait toutes ses chances comme les enfants de France, pour un dernier désir, pour une ultime envie, la seule raison de croire à un sens à ta vie. Je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'on le respecte mieux, qu'on le voit comme un homme, un monsieur qui ne baisse pas les yeux, pareil à tous ces gens qui parlent sans accent. Je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'il ait toutes ses chances, tous ses droits, qu'il ait une signature, des mains blanches, une voix. Identité à perpétuité. Un texte signé Jean-Jacques Goldman, extrait de l'album Gang en 1986. À présent, on revient à la version originale adaptée pour Johnny Hallyday et qui est le titre Loving Arms. Tout à l'heure, on a écouté Dobby Gray et à nouveau, on va écouter Dobby Gray. Jusqu'à présent, je disais que c'était Dobby Gray qui avait créé ce titre-là. Non, non, non, c'est pas Dobby Gray, c'est Tom Jones. Et on découvre l'histoire de ce titre-là si vous regardez hein, des Johnny Covers sur YouTube. Et il y a la chanson, donc « J'ai pleuré sur ma guitare ». Je vous raconte toute l'histoire. Et cette chanson a été chantée pour la première fois par Kris Kristofferson et Rita College. Après, il y a Dobby Gray qui l'a interprété. Et Tom Jones, le créateur de ce titre-là, ne l'a interprété que 2 ou 3 ans après la première mouture par Kristofferson. Dobby Gray donc l'a interprété, Elvis Presley a enchaîné le pas hein, en entendant la version de Dobby Gray, et Johnny Hallyday en 1974 a repris également ce titre sous le titre J'ai pleuré sur ma guitare. Mais on écoute tout de suite la version de Dobby Gray sur l'antenne de RIG dans Johnny de A à Z. If you could see me now, the one who said that he'd rather roam, the one who said he'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now, but I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If you could hear me now, singing somewhere through the lonely night, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now, but I've been too long. Chains,

Johnny disait de ce titre, Fred Blondem qui m'a proposé mon plus beau Noël parce que je cherchais aussi une chanson pour ma fille. Cet album est ma fille. Il devait être au top pour que ma fille en soit fière quand elle écoutera plus tard. J'ai signé un contrat avec ma fille. Je dois vivre encore 25 ans. Nous parlons de ce moment, en 2005. Et puis quand j'y serai parvenu, je vais signer à nouveau un autre contrat. J'ai assumé d'avoir un enfant aujourd'hui. Il faut le faire jusqu'au bout. Jade me rend plus fort. Elle est ma bonne étoile. Elle m'a redonné un coup de jeunesse dans ma vie. Elle m'a donné du punch. Et comme je vous l'ai dit, j'ai signé un contrat avec elle de 25 ans. Alors, il faut que je sois en forme. On revient à l'album de la semaine. Même si mon plus beau Noël fait partie de l'album de la semaine, on va écouter le titre Affronte-moi. Hein. Sur ce titre-là, c'est un Johnny dopé par l'épreuve que nous décrivent dans Affronte-moi Jacques Velgreen et David Hallyday. Un rock punchy, riff de guitare poussé à fond. La chanson a dû être écrite pour une femme, hein, à moins que ce ne soit pour Pascal Nègre, pétulant PDG d'Universal Music, hein, avec les paroles par exemple suivantes. Tu crois vraiment qu'en fuyant, en gagnant un peu de temps, on arrive à l'arrangement. J'attends Affronte-moi. Tu ne dis rien, tu suggères sans entrer dans la matière. Un sourire fixé sur tes lèvres, que des contacts sans impact, des semblants de face à face. Bien trop à la légère. Et tu crois vraiment qu'en fuyant, en gagnant un peu de temps, on arrive à rapproche-toi et regarde-moi d'ici. Et comme un ennemi, j'attends. Affronte-moi, allez. Affronte-moi, oui, vas-y. Et engage le combat. Vas-y, bats-toi, dis-moi. Affronte-moi, plus près, plus fort, comme ça. Affronte-moi. Et les années 60. Rock'n'roll. I was sitting in the corner not knowing what to do. Just just combing my hair and tying my shoe. When along came the chick, she said, don't be a square, there's a new dance out that I want you to, it's called a move. She said, it's such an easy dance, whoa, whoa, yeah. That's not a thing to know, whoa, whoa, yeah. You've got to move and let, whoa, whoa, yeah. Your imagination go, whoa, whoa, yeah. But I'll sit there in the corner, tying your shoe, acting like a squirrel with nothing to do, when all you got to do it's a move, oh, move, and that's a whoa, move, go, oh, oh, oh, oh, yeah, let's move, oh, oh yeah, whoa, whoa. Now you can stand up straight, whoa, oh, oh, yeah, or even watch your back, whoa, oh, yeah. Well, you can jump up and down, whoa, oh, oh, yeah. And shake your sack with yak, whoa, whoa, yeah. When you can shimmy to the front, shimmy to the rear, all you gotta do is put your body in gear, and then you're about to do the move. It's a move now, whoa, move, let you the move, whoa, yeah, move, whoa, move, yeah. Well, now that you can move, whoa, yeah, don't need me no more, oh, oh no. So I'm not gonna leave ya, oh, oh yeah. I'm going on a tour, oh, oh yeah. And find me people like you who don't know what to do, sitting in a corner just tying their shoe, and teach them how to do the move, oh, oh yeah. Let's go, go. Le titre The Move, cette chanson obscure, vaguement inspirée par le gospel comme Shout, fut produite à Nashville en novembre 1963. Aucune version en français ne paraît avoir été concrétisée et on retrouve cette chanson-là dans le coffret Johnny Hallyday Collection, sorti donc en 1993. Oui, ça faisait longtemps, moi non plus, que je n'avais pas écouté cette chanson et même je dirais que je crois que je ne l'ai jamais diffusée dans l'émission Johnny de A à Z. C'est une première au bout de 20 ans. Voilà, voilà. Allez, titre suivant, s'il vous plaît. Johnny et les années 70. Voici un beau titre d'album Rock and Slow. Laisse-moi le temps de t'aimer. Donne-moi le temps de t'aimer. Laisse-moi le temps d'oublier, d'effacer son nom, son rire. Donne-moi l'envie d'être heureux. Laisse-moi le temps qu'il me faudra. Doucement, mon cœur guérira. J'ai besoin encore de lire en moi. Laisse-moi le temps d'être à toi. Et au fond du cœur comme une blessure, de t'aimer. Donne-moi l'envie de rêver. Apprends-moi l'amour de ton amour. le temps d'oublier. Moi, le temps qu'il faudra. Doucement, mon cœur guérira. J'ai besoin encore de lire en moi. Laisse-moi le temps d'être à toi. Ça ne finira jamais. Johnny et les films. Johnny et les films, voici hit parade du film qui n'est jamais sorti sur les écrans, Les Ponettes en 1968. Vous êtes là, sans problème et sans tracas. Moi je dois chercher déjà la chanson qui sera dans les hit parades. Avec les cuivres on est bon, faudra-t-il des violons? Elle en pose des questions, la chanson qui sera dans les hit parades. Chanson qui devra plaire au public, voilà l'affaire. Qui parlerait d'un amour désespéré sans retour. Chanson qui sera dans les hit parades. Oh, je me sens très fatigué, mon parolier sans idée. Elle n'est pas enregistrée, la chanson qui sera dans les hit parades. Il faut trouver un gimmick, et son très psychédélique. Alors là, on tient le tir. Elle est qu'est-ce que t'es pas là? Je crois qu'on tient vraiment le tir. C'est pas un film. Et voilà mes musiciens qui n'y comprennent plus rien. La voilà dans le pétrin, la chanson qui sera dans les. Des photos pour les journaux et des questions pour la radio. Et vous écoutez bientôt la chanson qui sera dans les hit parades. Si vous l'entendez chanter un peu partout, c'est gagné. Dans les jukebox et les clubs, alors là je tiens le titre. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 90. chercheur d'amour ou hors la loi, on veut trouver l'Eldorado, ce coin de cœur auquel on croit, où l'on pourrait vivre en héros. Ce bout de terre au bout du monde, où le soleil pose les bagages, où les sirènes brouillent les ondes, pour qu'on se prenne à leur mirage. Je chercherai le temps qu'il faut, je trouverai chemin, et l'on se bat sur ses décombres comme des soleils jusqu'à la fin. On cherche tous l'Eldorado, important qu'il, un corps de femme, un morceau d'île posé sur l'eau pour s'abriter du bruit des larmes. Je chercherai le temps qu'il faut. Eldorado, extrait de l'album Ce que je sais de 1998, écrit par Pascal Obispo. On revient à l'album de la semaine et le dernier titre de cet album de la semaine qui est sorti le 7 novembre 2005, c'est le titre Apprendre à aimer. Johnny disait sur ce titre, cela faisait longtemps que je voulais écrire une chanson. J'ai pris ma guitare et j'ai composé et imaginé une mélodie et à écrire un couplet. Ensuite, j'ai contacté Michel Mallory en lui disant que j'avais trouvé un refrain. Il a rassemblé tout ça et a commencé à mettre des paroles dessus. La chanson est née et c'est comme ça que nous avions fait, Michel et moi, pour composer toute la musique que j'aime. Voici le titre « Apprendre à aimer ». Extrait album de la semaine, « Ma vérité ». C'est un trait, tous ces visages, pour qu'il ne reste aucun autre que le tien. Briser tous les ponts, brûler les pages de ma mémoire, où traîner mes victoires sans lendemain. Ne plus rien cacher, même mes larmes, oser ces mots que j'ai. j'avais cru oublier, renier mon passé, rendre mes armes, trouver la force de croire qu'avec toi je vais apprendre à aimer, apprendre à donner mes jours et mes nuits, apprendre à aimer, à ne plus douter de toi et de la vie, de la vie. Et réinventer les gestes tendres, mêler nos souffles pour qu'ils n'en fassent plus qu'un. Obliger mon corps à mieux t'attendre et m'endormir la tête posée là sur tes reins. T'ouvrir mon cœur jusqu'à mon âme, à ne plus en avoir aucun secret. Je t'ai aux flammes les souvenirs qui torturent les blessures et les regrets. Y a pas à aimer, à savoir donner jusqu'à l'infini. Ta peau comme une terre, sauvage et belle comme une île sous le vent. Éclairer ma vie de ta lumière, je serai prêt à te suivre jusqu'à la fin des temps. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Deux titres pour terminer cette émission en live. Le premier, on retrouve Johnny Hallyday aux Vieilles Charrues. Oui, c'était le 20 juillet 2006. Et ce titre, une reprise de La Quête ou The Impossible Dream, chanté également par Elvis Presley. Voici La Quête tout de suite dans le Johnny de A à Z. Rêver à l'impossible rêve, porter le chagrin des départs et brûler d'une impossible fièvre, puis partir où personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure, aimer, et même trop, même mal, et tenter sans force et sans armure, oui, d'atteindre

en ville et sur les plages, qu'on entende que le vent qui hurle, qui crie et qui me comprend. Si tu pars, cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Ma Vérité, sorti en 2005. Je remercie toutes et tous d'avoir écouté, participé à cette émission et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'album de la semaine, sûrement avant de vous préparer une petite surprise. Bonne nuit à toutes et à tous. Et bisous les filles, pogne les gars, à bientôt, ciao ciao. Oh, la marche, c'est un toujours de Nexo. In RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.